Bien, on passe peut-être à l'exposé de Frédéric Le Baron sur la spécificité française que constitue le SES. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comme j'interviens en dernier, je vais surtout essayer de me tourner un peu vers le futur. Et comme Stéphane était un peu pessimiste, je vais essayer d'être un peu optimiste. J'ai effectivement intitulé ma communication, les SES, une précieuse spécificité française, j'ai ajouté à préserver, je ne sais pas exactement le titre que j'avais donné d'ailleurs. Enfin voilà, c'est en tout cas autour de ça. Simplement, n'attendez pas un gros travail empirique et surtout pas de travail comparatif, systématique, ce n'était pas vraiment ce que j'avais en tête et ce que je n'étais pas en mesure de le faire. Je n'ai pas fait de travaux empiriques, moi, sur la section SES, sur la section ES et sur les SES, même si j'ai abordé un peu les enjeux autour de la culture scolaire économique depuis ma thèse et qu'évidemment c'est un thème sur lequel je suis amené à réfléchir souvent. Je voudrais surtout peut-être pour commencer dire que c'est pas la première fois que je suis sollicité depuis d'ailleurs assez peu de temps pour participer et que je participe effectivement à une initiative qui a à voir avec la défense des SES ou encore à propos d'une modification du contenu des programmes. Une des plus récentes était effectivement cette modification qui a vu la disparition de la notion de classe sociale, en tout cas jusqu'à la terminale, qui avait donné lieu à une belle mobilisation, il y avait une belle affiche, etc. Et pas mal de collègues, Stéphane était présent, je crois, à la journée, quand il y avait Serge Bosse, etc. Enfin, ce nombre de présents ici était là. Précédemment aussi, j'avais été sollicité. Et il faut quand même dire, les économistes sont mobilisés, les économistes universitaires, et en particulier les économistes universitaires critiques, qui sont mobilisés dans leur espace. On pense à la FEP, on pense à PEPS pour les étudiants, PEPS économie, en tout cas, tous ceux qui se préoccupent de l'enseignement de l'économie, c'est un domaine, un secteur de mobilisation assez dynamique. Je n'ai pas les statistiques sur les adhérents de la FEP et de ces structures, elles ne sont peut-être pas aussi favorables que celles de l'APSES, mais en tout cas, il y a de la mobilisation à l'occasion d'une de ces dernières. Les interventions que j'étais amené à faire, il y avait Henri Sterdignac, André Orléans, enfin voilà, il y a eu à plusieurs reprises un certain nombre d'acteurs assez importants quand même et assez visibles de la science économique universitaire française. Et ce que je veux dire aussi, c'est les autres disciplines sont très mobilisées. Du côté de la science politique, c'est l'ANCMSP, c'est l'AECSP surtout, ce sont des enseignants chercheurs en sciences politiques, avec Julien Frotel, qui est lui-même un ancien enseignant de SES, enfin, c'est souvent le cas, hein, évidemment, c'est pas un hasard, évidemment. Et je peux dire aussi que j'interviens un peu en tant que membre du comité exécutif de l'AFS, la Science française de sociologie, qui est très mobilisé sur la question et qui le reste. Et c'est vraiment un point sur lequel, j'espère, on va avoir notre congrès, il y aura une continuité dans les... Enfin, j'en suis à peu près certain dans les mois et les années qui viennent. Alors, oui, il y a quand même une spécificité, manifestement. Enfin, ça, cette spécificité, on s'en rend compte quand on discute avec des collègues, sociologues ou économistes d'autres pays qui n'ont pas d'expérience même d'enseignement, qui dès le secondaire, mettent ensemble ces disciplines. Il y a des enseignements de sociologie, je ne sais pas, au Brésil, par exemple, en lycée, mais ils sont très séparés de tout ce qu'on peut raconter sur le monde économique. Ce sont des choses très distinctes, très disjointes. Et donc, de ce point de vue, il y a manifestement une spécificité. Ce que je ne sais pas, c'est dans quelle mesure elle s'est exportée dans le monde francophone, etc. Là, je ne peux pas vraiment dire. Et je pense qu'il faudrait d'ailleurs susciter des travaux là-dessus, parce que c'est, je pense, un enjeu assez important. Mais je voulais peut-être ajouter des choses par rapport à tout ce qui a été dit. Il y a une spécificité dans l'enseignement secondaire, proprement dit, dans les classes de lycée, mais aussi dans les filières sélectives, quand même. Il ne faut pas oublier, avec la création de l'Hippocane et de la Cagne, S puis BL, qui est, je pense, une des grandes réussites des SES, c'est-à-dire attirer des élèves, souvent quand même des sections scientifiques. Alors, c'est en train de changer, mais enfin, j'ai pas de données, hein, je parle un peu de manière qualitative, mais enfin, en tout cas, à mon époque, c'était massivement la filière C, hein, qui... Ça reste, je crois, hein, voilà. Avec un rôle des ENS quand même très important, c'est-à-dire qu'il y a quand même des piliers institutionnels. Et qui font qu'il ne s'agit pas seulement d'une discipline de l'enseignement secondaire, mais aussi de l'enseignement supérieur d'élite et plus largement du paysage académique, intellectuel et de la recherche en France, quoi. Et peut-être on valorise pas suffisamment, ça ne veut pas dire qu'il faut minorer la présence dans le secondaire, qui est évidemment fondamentale dès la seconde, etc. Et il faudrait même avant, enfin, là, je ne vais pas entrer dans le débat l'AIR, etc., sur l'enseignement des SES dès le primaire, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour insister sur le fait que c'est un succès académique aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça, je crois. C'est quand même très important. Et je vais donner quelques illustrations. Comme ça a été dit, c'est évidemment une discipline qui a été régulièrement mise en cause par divers groupes d'intérêts. C'est vrai qu'on a l'impression, mais là peut-être vous me corrigerez, ben, je ne suis pas un spécialiste en histoire des SES, mais que ça a plutôt été les professeurs des universités à partir de la fin des années 70, début des années 80, comme on le disait, au nom de l'inadéquation, au fond, entre la formation délivrée en lycée et ce qui était les prérequis qui étaient attendus pour les enseignements qui s'étaient formalisés dans les universités avec de la micro, de la macro, enfin Micmac, hein, le fameux modèle, hein, cher Antoine de Thume et d'autres, qui se structure vraiment dans les années 80 et qui du coup apparaît comme plus décalé. C'est assez amusant d'ailleurs de constater que le discours sur le décalage, il s'inverse, hein, d'ailleurs dans le discours de l'APSES, bien sûr dans le discours des enseignants du secondaire de SES, mais dans des travaux, je pense à The Making of an Economist de Clamer et Colander, il y a une description qui est une sorte de symétrique inverse pour les États-Unis, d'étudiants qui viennent vers les sciences économiques parce qu'ils s'intéressent à l'actualité, parce qu'ils s'intéressent aux enjeux économiques et sociaux, dans une optique très politique, inductive, entre guillemets, enfin, qui s'intéressent aux faits et qui sont déçus immédiatement par un enseignement trop formalisé. Enfin, c'est devenu un peu un topic des travaux sur l'enseignement universitaire de l'économie. Et ça, c'est, je crois, assez intéressant. On est passé donc de ça, d'un lobbying plutôt du côté de certains membres du corps des professeurs d'université. Peut-être sans doute aussi, là j'ai moins d'éléments du côté des économistes statisticiens, du côté de. Parce que ça, évidemment, la discipline se structure aussi de ce côté-là, et même peut-être d'abord de ce côté-là, du côté polytechnique, l'ENSA, etc. À un lobbying à partir des années 90, patronal, assumé, plus clair, etc. Et je pense qu'il y a quand même un déplacement sur lequel il faut un petit peu réfléchir, avec évidemment la structuration en think tank qui n'est pas anodine, c'est pas un hasard si c'est l'Institut de l'entreprise qui devient une sorte de bras armé de ce travail de lobbying. Qui se structure en tant que groupe de pression autour de ces questions-là, même si le thème de la culture économique des Français, c'est là encore, c'est une espèce de pause permanente depuis au moins les années 60. Les enquêtes au début des années 70 qui étaient censées montrer que les Français étaient vraiment incultes, enfin, il y en a régulièrement. Hein, c'est un très vieux thème qui revient en permanence. On le trouve, si je ne me trompe pas, dans le fameux article de Bourdieu et Boltanski sur la production de l'idéologie dominante. Hein. Intelligence de Giscard, enfin, il y a des entrées intelligence de Giscard, etc. Il y a des entrées compétences économiques et évidemment on déplore l'absence de compétences économiques des Français. Enfin, c'est très, très intéressant de voir que c'est une espèce d'invariant de l'idéologie dominante en France. Invariant depuis une certaine période qui correspond plutôt aux années 60. Alors on a dit effectivement que les représentants patronaux ont toujours regardé avec beaucoup de méfiance les SES, repères de gauchistes, de marxistes, etc. Enfin, une espèce de mélange monstrueux de Keynes, Marx, Bourdieu, enfin tout ce qu'il y a de plus horripilant et détestable pour certains d'entre eux. À la différence, je voulais insister là-dessus, ça a été dit, bon, dans plusieurs interventions venues là-dessus, mais il y a quand même cette différenciation avec l'économie et gestion, perçue comme... alors évidemment, c'est intéressant, l'enseignement secondaire, elle est effectivement en dessous, dans la hiérarchie des filières, dans la hiérarchie des disciplines, etc. Et en même temps, elle est beaucoup plus en affinité, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, elle est perçue comme telle, avec une conception de l'économie centrée sur l'entreprise, centrée sur la performance de l'entreprise, le calcul coût-bénéfice, etc. Je pense que c'est quand même très important de à chaque fois, dresser la carte du paysage dans lequel les SES s'inscrivent. Et donc, pour illustrer ça, quand j'ai commencé à enquêter sur les économistes pendant ma thèse, je m'étais tourné vers un économiste industriel qui était promouvé vraiment ce qu'il appelait l'économie d'entreprise avec une association, etc., qui était assez connue à l'époque, Albert Merlin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, travaillait chez Saint-Gobain auprès de Jean-Louis Beffast, et c'était le chief économiste voilà, de la boîte, et il m'avait dit, vous avez l'agrégation, vous avez fait quoi? J'ai dit, oui, j'ai l'agrégation. Il m'a dit, d'économie-gestion, j'espère. Enfin, j'étais en santé, que c'était, il ne fallait pas que je dise, et malheureusement, c'est leur manger. Je ne sais plus ce que j'ai dit, très franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas, j'étais embêté. Voilà. Et je sentais bien que, voilà, il y avait en tout cas, ce qui m'avait surpris, c'était une conscience du côté bon, d'un, voilà, d'un économiste patronal, qui se... Je pense définissait vraiment comme tel, en tout cas économiste d'entreprise, de l'enjeu autour de ces différentes filières, des agrégations, etc. Enfin, c'était pas une méconnaissance. C'est, on est vraiment voilà, c'est, l'action publique, c'est pas que les hauts fonctionnaires, évidemment, c'est pas que les hommes politiques, c'est aussi tous les groupes qui participent de la production de l'action publique. Donc effectivement, tous ceux qui ont intérêt. À peser à tel ou tel moment de la chaîne sur une décision publique. Alors dans le cas précis, on assiste donc avec ces trois nominations sur lesquelles je vais revenir rapidement au Conseil national éducation économie. Alors c'est pas une offensive, c'est d'abord ils ont été nommés, donc c'est quand même intéressant, nommés par le gouvernement. Enfin, je ne sais pas qui très concrètement, j'ai pas regardé, mais dans un contexte de gouvernement de gauche, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même intéressant. Alors, ce que je tenais quand même à dire, c'est que on n'est pas ici directement devant une attaque contre les SES, évidemment. Ce qui est frappant, c'est que c'est l'Institut de l'entreprise, c'est que ce sont des acteurs qui sont connus pour leur mobilisation. Mais on ne sait pas encore très bien ce qu'ils vont faire dans ce comité, ce conseil. On peut penser voilà, qu'une de leurs cibles, ça va être les SES. Voilà. Non, mais il faut être quand même prudent. Ils ne sont pas que nommés pour ça, et officiellement, ils sont, la perspective est plus large, hein, c'est la relation entre système éducatif et monde économique. Bon, ce n'est pas non plus franchement nouveau, c'est que ce type de comité existe depuis très longtemps. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est pour relativiser un tout petit peu l'immédiateté de la menace. Hein, voilà. Je pense qu'il y a menace, mais elle n'est pas immédiate, elle n'est pas directe. Voilà. Ce qui explique peut-être bon, que là, il n'y a pas encore de mobilisation à proprement parler très forte, au-delà peut-être de l'abcès. J'ai bien lu, hein, je suis allé sur le site, j'ai bien regardé, mais c'est vrai que c'est peut-être perçu comme un peu indirect pour l'instant. Hein, comme ça, pour essayer de comprendre voilà, l'état de la mobilisation là-dessus. Alors, j'ai quand même regardé bon, les trois nommés. Alors, bon, Pebro, on en a beaucoup parlé. Pebro illustre extraordinairement, je trouve, l'autre fameux article de Boltanski sur l'espace positionnel là, de 1973 dans la revue française Sociologie, qui portait sur les profs de Sciences Po, justement, et sur leur multipositionnalité. On a vraiment des acteurs multipositionnels, c'est assez extraordinaire. Et dans le cas de Pebro, mais aussi des deux autres nommés, c'est assez frappant qu'on a vraiment des acteurs à très très forte surface sociale dans des champs assez différents. N'oublions jamais quand même que Pebro a enseigné à l'IEP de Paris et un rôle très structurant dans l'enseignement de l'économie, des politiques économiques. Il a fait des gros bouquins de politique économique. Il avait des idées sur comment on pose des sujets d'examen. Hein, je me souviens qu'on m'avait cité, on faisait mon enquête, un sujet qu'il avait posé qui était « Pourquoi faut-il réduire les déficits publics ?» Voilà, ça c'est une conception comme une autre de la question de débat, enfin, on en parlait tout à l'heure, des modalités de l'évaluation. Non mais c'est important d'avoir en tête qu'on a des gens très mobilisés. C'est des croisés, c'est des idéologues, c'est voilà. Je pense que le langage de la croyance économique s'impose quand même. Bon, il est polytechnicien, énarque, inspecteur général des finances. Je vais revenir là-dessus. Le rôle de l'inspection générale des finances me paraît très important. C'est pas anodin. Les attaques viennent de là. Alors, elles viennent de ceux qui ont pantouflé, ceux qui sont liés à la banque, à la finance, qui ont mais qui ont le sentiment d'avoir une autorité naturelle en ce qui concerne le monde économique en général. Micro, macro, etc. Et sur les rapports entre la micro et la macro, etc. Enfin, qui s'autorisent à prendre des positions et à parler sur des sujets sur lesquels beaucoup de hauts fonctionnaires et de chefs d'entreprise, d'abord, seraient incapables de s'exprimer comme ils le font. Hein, je pense que là, il y a vraiment une spécificité de la haute fonction publique française et, disons plus largement, des élites, puisque ce sont des franges de la haute fonction publique qui deviennent des patrons. Hein, pas n'importe lesquels, bien sûr. Académicien, enfin voilà, mais conseiller aussi, conseiller du prince, enfin, il incarne parfaitement la figure du conseiller du prince. Il a été officiellement conseiller de Giscard, de Monory, mais aussi officieusement de Sarkozy, quand même. Il a été très très proche et vraisemblablement assez influent sur pas mal de questions. Le rapport Pebro sur la dette, on parlait de mise sur l'agenda et politique publique, ça a été une contribution très forte à la mise sur l'agenda de la dette publique. avant la crise, mais qui est revenu en force, comme on le sait, en 2010. Enfin, voilà, tout ça est quand même très important. Maintenant, il est président de la fondation ARC. Hein. Boisivon, c'est un profil plus méritocratique. Il a été instituteur, enfin, il est administrateur de Lafarge, président quand même d'un conseil d'orientation et de réflexion sur l'assurance lié à la FFSA. Donc on n'est pas loin du monde financier, même si Lafarge, c'est pas tout à fait ça. Membre du cercle des économistes, intéressant aussi. Et puis Huillard, c'est pas n'importe qui. Hein, si je me trompe pas, c'est le PDG de Vinci. Voilà, c'est quelqu'un qui gagne à peu près 2 millions d'euros par an. Hein. Voilà, c'est en matière de répartition des revenus, il aura des choses à dire, je pense. Illustre, à mon avis, la thèse de Stiglitz, selon laquelle le 1% tend à avoir un poids vraiment prédominant sur les orientations publiques. Enfin, ce sont vraiment des acteurs qui ont énormément de canaux d'action et de mobilisation. Il a été aussi, j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, dans un ranking quelconque, classé 15e patron le plus performant en 2013. Alors, je pense de France. Enfin, c'est le CAC 40, hein, c'est pas tout à fait rien. Hein. Mais passons sur les aspects un peu anecdotiques. Ce qui est important, c'est des fractions du patronat liées à l'État, à forte coloration financière, dimension internationale, et quand même avec un capital d'expertise en sciences économiques. Y en a un qui est un prof d'économie, hein, Boisivon, c'est un universitaire, à la base, à Paris, à Sas, enfin à la base. C'est un peu compliqué, il a un parcours méritocratique. Et les autres ont des prétentions intellectuelles, ça c'est clair, ça c'est quand même un élément. Voilà. Et Vinci, il a fait quoi ? Xpon. Oui, j'ai pas fait l'analyse systématique, je suis désolé, j'ai pas le temps, ben, voilà, j'ai pas regardé. Mais pour situer, voilà, c'est quand même. Oui, ça fait deux polytechniciens quand même. Alors. Encore une fois, c'est pas évident d'interpréter cette nomination directement et immédiatement en relation avec les SES, mais on peut quand même y voir le signe d'un intérêt non diminué via l'Institut de l'entreprise, bien sûr, des patrons pour la question de la culture économique, ça c'est clair. C'est vraiment pour eux un sujet fondamental de reproduction de l'ordre social et de l'ordre économique, c'est évident. Et la forme scolaire de la culture économique et de la prétendue opposition, ou des risques en tout cas d'opposition entre certaines formes de culture scolaire, la culture des SES étant une forme de culture scolaire jugée finalement anti-économique, hein, c'est un petit peu ça dont il s'agit. À travers le lien concret entre entreprise et école, effectivement, il s'agit bien sûr d'aller vers une imprégnation des jeunes par une vision plus positive de l'entreprise, hein, c'est vraiment leur obsession, et d'une conception clairement plus libérale de l'économie. C'est tout à fait assumé, c'est tout à fait explicite. Alors voilà, je voulais juste dire ça en introduction pour ensuite évoquer trois points. Revenir sur ces patrons qui aiment la culture économique, c'est quand même une redéfinition très particulière de la culture et même de la culture économique à laquelle on assiste, puisque on ne sait plus très bien à quoi ça fait référence, sinon une sensibilité favorable à l'entreprise, la maîtrise du calcul coût-bénéfice, enfin c'est des choses quand même extrêmement générales, qu'il ne faut pas confondre, je pense, avec les exigences des enseignants d'économie du supérieur qui demandent de la technicité, l'élasticité, etc. Enfin, voilà, je pense qu'il faut, il faut nuancer et différencier un petit peu ce que les différents acteurs mettent sous culture économique, qui ne va pas tout à fait être la même chose, et qui va du coup, qui peut susciter des tensions, y compris des tensions entre les deux fractions que je viens d'évoquer. Ça correspond en tout cas, cette préoccupation, à un enjeu réel, la formation des citoyens au savoir des sciences sociales concernant l'ordre économique, qui est incontestablement un enjeu pour la reproduction de l'ordre social, effectivement. On a évoqué 68, on a évoqué le militantisme, on a évoqué plein de choses qui nous montrent bien qu'il s'agit de ça. Bien sûr, du rapport réflexif que les lycéens peuvent nourrir au monde du travail, au monde patronal, à la finance, à l'argent, enfin voilà, c'est l'éthos qu'il s'agit de travailler, quoi. C'est vraiment ça, on est vraiment au cœur de ce que Weber voyait dans la famille, dans la religion, etc. Aujourd'hui, c'est clairement dans l'enseignement secondaire que ça se joue, c'est l'éthos économique. Et je pense que c'est quand même un rapport de force structurel dans le champ des politiques éducatives, c'est-à-dire qu'il y a une pression structurelle des forces patronales pour aller vers cette redéfinition. Et on voit bien la continuité. Il y a eu un changement politique, mais il y a une totale continuité de ce point de vue. Le rapport de force structurelle reste largement ce qu'il était auparavant. Il n'y a pas eu de très gros déplacements. Cette autorité naturelle dont je parlais tout à l'heure est quand même très liée à ces trajectoires particulières de patrons liés à l'État, quand même, je pense qu'il faut le dire, au grand corps et aux grandes écoles, et à la permanence de cette fraction des élites, qui est attestée par les travaux empiriques les plus récents, je pense aux travaux de Pierre-François, Pierre Lemercier, par exemple, qui ont en gros montré que les analyses de Bourdieu et Monique de Saint-Martin dans les années 70 restent très largement valides hein, du point de vue des structures du monde patronal en France aujourd'hui. Avec un certain profil de trajectoire, le passage par l'inspection générale des finances pour la banque et la finance reste crucial, cardinal, et le sentiment d'autorité intellectuelle très particulier dont se nourrissent d'une certaine manière ou dont qui se manifeste de manière aussi particulière, me semble-t-il, dans ces fractions des élites et qu'on trouve sans doute pas dans les analyses comparatives que j'ai pu faire, j'ai pas vu tellement d'équivalent. Voilà, on a le phénomène des PhD economists dans les banques centrales, dans les grandes institutions de pilotage de l'économie. Il y a des hauts fonctionnaires, bien sûr, mais des hauts fonctionnaires avec autant d'unité, d'effet de corps, de cohérence et surtout de prétention intellectuelle, c'est pas si net. En tout cas, j'en ai pas beaucoup vu dans mes travaux. C'est pour ça que bon, là, c'est une autre singularité dont il est question, c'est celle de ceux qui attaquent les SES, hein, plus que celle des SES. Je voulais évoquer l'importance de l'essayisme patronal ou parapatronal en France. C'est quand même un phénomène assez frappant. Alors là encore, je n'ai pas fait d'analyse comparative très systématique, mais on pourrait évoquer Minc, Sormand. Pébro est un auteur, enfin, faut jamais l'oublier, quoi. Ce sont des acteurs économiques, sociaux, mais aussi, ils sont très multipositionnels, mais aussi des auteurs, et avec de fortes prétentions intellectuelles. Attali, Kessler, les deux étant des universitaires reconvertis. La multipositionnalité, c'est aussi beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de reconversions dans ces univers. Je n'ai cité quelques-uns des plus célèbres, mais il suffit de citer les noms pour voir à quel point on a des fractions des élites qui produisent un discours d'autorité extrêmement cohérent, qui a une structure très particulière. Je n'ai pas le temps d'analyser ce discours, mais Trichet, Lamy, Jouyet, Messier, Abreu, bon, Jaffray, tout ça, c'est les inspecteurs généraux des finances qui ont tous une contribution intellectuelle, plus ou moins, hein, plus ou moins marquée. Les discours de Trichet, ça, c'est vraiment intéressant, les discours en tant que président de la Banque Centrale Européenne, etc. Il a aussi écrit des poèmes, enfin... C'est surtout un poète. Peut-être. Finalement, peut-être. Le poids de la finance là-dedans, c'est quand même très important d'insister sur le fait que la domination de la finance, on la retrouve dans la structure de ce sous-groupe, quoi. Alors, je reviens quand même au SES, évidemment. C'est évidemment pas surprenant que ces mêmes acteurs aient contribué à appauvrir les programmes, et en particulier à enfin épurer l'enseignement concernant l'entreprise de tout ce qui pouvait ressembler à des formes de lutte sociale, ou même d'institution, c'est-à-dire le contrat de travail. Enfin, ça va quand même assez loin. C'est-à-dire on n'est vraiment pas loin de la construction d'une vision idéologique purement idéalisée de leur point de vue, et qui quand même, même si on a nuancé le rôle des lobbies patronaux, qui a quand même eu du poids hein, sur la redéfinition des programmes, ça a été dit par Erwan, enfin, je crois que c'est incontestable. Hein. C'est intéressant cette opposition dans cette culture économique entre macroéconomie et microéconomie. Je pense qu'il faut vraiment revenir là-dessus, parce que je vais y revenir dans ma dernière partie. Vous allez voir comment, par une espèce de pirouette dialectique, mais qui me paraît nécessaire aujourd'hui, c'est le déclin de la macroéconomie comme culture. Alors, on l'observe pas tant que ça du point de vue de l'évolution de la discipline académique. C'est beaucoup plus nuancé, me semble-t-il. Mais clairement, du point de vue des priorités pédagogiques, avec la montée, l'affirmation de la microéconomie à l'université, c'est surtout, ça se traduit par un usage très mou du terme microéconomie, qu'on associe à proche de l'entreprise, individuelle, mais surtout qu'on oppose à toute vision systémique, toute vision macroéconomique. C'est un espèce de sentiment de régression idéologique un schème vraiment très basique, quoi. J'en ai une autre illustration, là je lis pour des raisons qui sont liées à mes recherches, le livre que vient de publier Villeroy de Gallo, qui est un second de Pébro, hein, à la BNP, enfin il vient de changer de position, comme vous savez, il a quitté ses fonctions. On a parlé de lui pour la Banque de France, hein, donc c'est pas un acteur mineur, hein, dans le champ des politiques publiques aujourd'hui, hein, donc susceptible de prendre des décisions au sein de la BCE sur... Il a fait pas mal de cabinets. Alors, je ne vais pas non plus. Il a fait Strauss-Kahn. Il en parle d'ailleurs. C'est assez amusant. Mais bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais voilà ce qu'il nous dit. Ces trois vertus, courage, développement et pragmatisme, nous en avons impérativement besoin pour notre croissance économique. Et pourtant, nous continuons, au moins en France, à mal connaître la figure de l'entrepreneur. Voilà. Non par hostilité, mais par ignorance. C'est vraiment le même schème. C'est vraiment un schème qui circule partout dans ces fractions des élites. Nos politiques ne viennent quasiment jamais de leur rang. C'est ce thème, cette obsession que les politiques sont des fonctionnaires. Et pas des... Il faut d'autant plus saluer l'engagement de Jean-Denis. Ça, je passe. Par ailleurs, nos cours nous ont nourris de macroéconomie. Les grands débats de politique économique autour du budget et de la manière. Ceux-ci sont nécessaires, ô combien, mais loin d'être suffisants pour une stratégie de croissance. Les médias nourris au même lait contribuent à ce que tout notre débat public oublie cette évidence. La croissance et la compétitivité sont d'abord les entreprises et les entrepreneurs qui les feront. Nous parlons dans nos manuels universitaires, hein. On ne parle même pas du secondaire. Trop de Keynes ou de Milton Friedman, grands et respectables économistes macro, pas assez de Schumpeter. Voilà, ça c'est que c'est ça alors. Et j'ai entendu Christian de Boissieu dire ça aussi, c'est-à-dire que certains universitaires peuvent tout à fait reprendre ce discours-là. Le vrai économiste de notre temps, c'est Schumpeter, parce que c'est l'économiste de l'innovation. Bon, vous connaissez bien, hein, voilà, les cycles de la destruction créatrice. Alors, destruction, ça on sait, créatrice, bon, faut voir. Voilà, ça c'était pour Villeroy de Gallo. Alors la question de la pluridisciplinarité. Je vais y revenir parce que je pense que c'est un sujet qui a été déjà bien évoqué avec l'opposition entre deux conceptions, une conception très disciplinaire qui disciplinarise, qui tend à l'emporter actuellement, et une conception qui était celle du projet même des SES, fondée sur l'histoire des annales, sur le projet d'une intégration, et en amont des annales quand même un peu sur l'histoire de la sociologie française, durkheimienne, n'oublions pas quand même. Même si c'est moins assumé et moins évident, mais enfin, si ça n'avait pas existé, je pense que le projet des SES n'aurait pas émergé comme il a émergé. Et là, il y a évidemment une spécificité incontestable, enfin, me semble-t-il, d'une tradition intellectuelle, d'une histoire aussi institutionnelle en France, qui est vraiment intéressante, qui contribue, par exemple, illustration de ses conséquences à un certain dynamisme, par exemple, de la sociologie économique. Je parle de ma boutique, mais... et c'est clair qu'en France, on a une richesse des travaux en sociologie économique. Alors, c'est assez récent, mais qui renoue, au fond, avec le projet durkheimien, de Simian, de Halbwachs, bon, qui a été poursuivi par d'autres, Bourdieu, Baudelot, enfin, il y a plusieurs noms qu'on peut citer dans une longue chaîne, hein, qui va jusqu'à la sociologie économique contemporaine, mais qui a vraiment pas à rougir face à la sociologie économique américaine. Alors que la New Economic Sociology est présentée vraiment comme ce qui se fait de mieux en sociologie économique. Je suis pas sûr que ça soit vrai si on compare vraiment au dynamisme des travaux menés. Bon, j'en ai évoqué Pierre-François, etc. Le groupe autour de Calon, Muneza, la performativité, etc. C'est vraiment des innovations, on peut les discuter, on peut juger qu'elles ne sont pas le summum de ce qu'il faut faire, mais toujours est-il qu'en tout cas, il y a une hybridation très forte et un véritable dynamisme de quelque chose qui se situe dans la sociologie, clairement, et dans le projet de la sociologie, mais en forte interaction avec l'économie. Et ces hybridations, il y en a pas mal, quoi. Il y en a eu beaucoup à l'INSEE à un moment. Enfin, en France, elles sont quand même, elles sont nourries par les SES, clairement. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas la base des SES et de tout ce qui est avec, hein, l'enseignement dans le secondaire, la filière ES, la CAGNE, etc., la GREG, tout ça, ça n'existerait pas comme ça. On pourrait parler de Piketty. C'est curieux, on n'en a pas beaucoup parlé, donc voilà, je me sens que c'est quand même un peu dans l'actualité, qui est quand même un défenseur des SES, incontestablement. C'est un promoteur, un défenseur des SES, qui n'est pas issu lui-même de la filière, du tout. Hein, il a fait une prépa scientifique avant d'entrer à l'ENS. Mais enfin, quand même, le département était, jusqu'à une date récente, un département de sciences sociales. Il l'est plus, voilà. Il y a des évolutions qui sont un peu compliquées, mais qui dans son livre quand même a des mots. Alors j'ai pas repris les citations, mais qui sont extrêmement proche de l'esprit de la filière, quoi. C'est quand même très, enfin, de la discipline. C'est quand même très frappant quand il parle des annales, quand il parle de l'histoire économique et sociale, de l'interaction entre la théorie économique, l'histoire économique. Alors, il ne parle pas trop de la sociologie, mais enfin, il en parle quand même un peu. Et dans ses interventions orales, c'est encore plus marqué. Il est encore plus, il va encore plus dans ce sens-là. Et donc, je vais y revenir. Enfin, il dévie clairement. Enfin, franchement, là, je vais encore donner des illustrations dans un instant. Il se passe des choses, quoi, qu'il ne faut pas négliger. Enfin, 1 500 000 livres, et qui est l'économiste français, quand même, de loin le plus connu dans le monde, qui soit très en phase avec l'esprit de la section DSES et de cette spécificité, me paraît quand même digne d'intérêt. Quoi. C'est pas tout à fait un hasard, bon, même si, encore une fois, lui-même n'en est pas issu. Mais il a, c'est vraiment quand même un peu un compagnon de route des SES, d'une manière ou d'une autre. Mais par ailleurs, dans l'enseignement universitaire, surtout de premier cycle, la tendance n'est pas très favorable, et ça se retraduit, je pense, par la pression à la disciplinarisation qui continue malgré tout dans l'enseignement secondaire et dans le débat qu'on a évoqué. Il ne s'agit pas tellement, d'ailleurs, seulement de disciplinarisation, c'est aussi de fermeture, c'est-à-dire c'est réduire la discipline à un modèle très simplifié, parce que c'est pas ça l'économie. Enfin, y a l'économie, beaucoup de définitions concurrentes, très diverses, y compris même à l'intérieur du, je vais y revenir, à l'intérieur du paradigme néoclassique, chez les orthodoxes, entre guillemets, comme on dit. Il ne faut pas croire que la diversité, elle est simplement entre l'orthodoxie et les différents groupes qui se réclament plus ou moins de formes d'hétérodoxie. C'est encore plus large que ça, mais il est clair que là, c'est plutôt la fermeture vers quelques notions techniques. Alors, on n'a pas du tout évoqué la question des mathématiques, mais c'est plus la question de la mathématisation qui est en jeu. Et je dirais même, quand on lit Pebro, Villeroy de Gallo, etc., que du côté des lobbies patronaux, en tout cas, il y aurait plutôt maintenant des réticences face à la mathématisation, la statistique, etc. Et c'est vrai qu'on a longtemps eu tendance à penser, voilà, l'économie, il y a une opposition entre l'économie littéraire, qui est restée plutôt économie politique à gauche, et l'économie mathématique et la statistique, entre guillemets, plus conservatrice à droite. C'est beaucoup moins évident, hein, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que l'espace est beaucoup plus multidimensionnel, et cette polarisation-là, je parle déjà de l'université, c'est beaucoup moins vrai. Et je pense que là, il y a un point à réfléchir. Il y a aussi N façons d'enseigner les mathématiques en économie, N façons d'enseigner la statistique en économie. L'originalité des SES, c'était justement de faire aussi de la stat, des tableaux, c'est de prendre au sérieux les données, de prendre au sérieux les sources, les enquêtes, etc. etc. Enfin, c'est d'assumer aussi l'importance des données statistiques. Mais même de formes de modélisation, il y a aujourd'hui beaucoup d'innovations dans les formes de modélisation qui ne demandent qu'à être en quelque sorte retraduites dans l'enseignement. Mais ce qui bloque, c'est le paradigme standardisé qui s'est imposé, quoi, qui corsette un peu tout au niveau des universités, mais aussi et des écoles, bien sûr, mais aussi au niveau lycée. Alors, ce que je voulais dire, c'était premier accès d'optimisme, et il n'est rien à côté du second, vous allez voir, c'est de dire que il y a une diversité croissante au niveau de la recherche, en tout cas en économie, c'est-à-dire on voit apparaître des sous-domaines un peu hybrides, l'économie historique quand même en est un, c'est-à-dire où vraiment le travail sur les séries chronologiques aujourd'hui, l'histoire économique, elle est plus faite en histoire, l'histoire économique quantitative en tout cas, et elle est faite alors plus ou moins de manière plus ou moins pluridisciplinaire, plus ou moins ouvert, etc., on peut discuter, mais plutôt par des économistes, enfin, c'est un fait, ça. Économie géographique, économie du bonheur, enfin, il y a des domaines comme ça qui sont un peu dans des zones interstitielles. Même la neuroéconomie n'est pas, alors même si, effectivement, c'est à certains égards un des lieux où peuvent s'opérer des formes de fermeture et de réductionnisme, c'est pas tellement le cas quand on regarde le discours des épistémologues qui essaient de tirer des conclusions des travaux en neurosciences portant sur les phénomènes économiques, qui sont plutôt en train de, au contraire, contester les hypothèses de base du modèle. C'est quand même assez intéressant. Là, il se passe beaucoup de choses, pas forcément perceptibles, parce que c'est évidemment au niveau des publications, au niveau des... Et ça ne se traduit pas mécaniquement dans l'enseignement, ça ne se traduit que dans les enseignements de spécialisation scientifique recherche, quoi. Et pour l'instant, ça n'a pas du tout impacté le noyau dur de l'enseignement académique, voire même une partie du corps résiste à l'importation de ces innovations dans l'enseignement académique basique, undergraduate et bien sûr en lycée. Alors le paradoxe, voilà, en lycée, on pourrait évoluer avec la recherche et on préfère évoluer avec le durcissement de ceux qui résistent à l'évolution de la recherche. En gros, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Travail collectif, par exemple, qui prend plus de place dans l'enseignement. Travail par la recherche, la formation. Bon, dans les écoles, c'est particulièrement vrai, mais à l'université, je pense que c'est quelque chose qui va prendre plus de place. Où la sociologie a été assez en avance, d'ailleurs, en faisant faire des enquêtes par les étudiants, etc. Mais c'est des choses qui, sans monter de manière brutale et rapide, hein, c'est pas du tout ça, mais il y a des tendances plutôt positives qui se font jour, quoi, d'entreprises collectives. Bah, l'entreprise autour de Piketty en est une illustration, me semble-t-il, très bonne. Et le NS a probablement été un des lieux où ces choses-là ont été beaucoup développées. À côté de ça, évidemment, il y a les tendances lourdes, l'obsession de la publication dans les revues en anglais, l'anglicisation de l'enseignement, etc., qui sont aussi très fortes et qui font que c'est pas à sens unique, hein, bien sûr. C'est très ambivalent, les dynamiques, et les dynamiques positives sont minoritaires et pas aussi nettes. Mais alors, la dernière sur laquelle je vais conclure, de ces dynamiques qui me paraît assez positive, c'est... je vais faire état de un travail de terrain récent, enfin ce travail de terrain pas in situ, parce que j'ai regardé sur leur site le colloque de l'INET là, qui a eu lieu il y a 15 jours, l'Institute for a New Economic Thinking, qui a eu lieu à Paris, à l'OCDE, et auquel participaient Joe Stiglitz, Thomas Piketty, Yanis Varoufakis, quand même, qui a débattu avec Yanis Varoufakis, et bien sûr celui qui finance l'INET, et qui est le grand-père, qui est Soros. Voilà. Et c'était extrêmement intéressant, enfin la tonalité était vraiment intéressante parce qu'elle fait apparaître des contradictions de la période qui sont quand même saisissantes et qui sont liées à la crise. Je ne veux pas recycler mes thèses de la crise de la croissance économique, mais c'est un peu ça. Il me semble que les contradictions de la période ouvrent des possibilités aussi et que les SES peuvent s'en saisir. Le projet des SES, d'une certaine manière, est en phase avec certaines de ces tendances critiques. Alors, je ne dis pas qu'il faut que les SES soient financés par Soros. Hein, ne me faites pas du tout dire ça. Mais alors, je vais illustrer. Bon, j'ai évoqué les guest stars qui participaient. Il y avait Angel Gurria aussi. Alors, je vous recommande vraiment l'intervention d'Angel Gurria, qui est quand même le secrétaire général de l'OCDE. Hein. Ce n'est pas du tout n'importe qui, hein, Angel Gurria, et qui a vraiment une intervention vraiment, pour moi, saisissante dans la session inaugurale du colloque de l'INET, hein, une thématique... Ça peut nourrir des cours. C'est dommage, c'est en anglais. C'est à Paris, mais tout est en anglais, bien sûr. Les contestations touchent bien sûr d'abord les politiques publiques, évidemment. C'est les politiques d'austérité, bon, c'est les thématiques de Stiglitz. Le débat avec Varoufakis porte là-dessus. Mais c'est aussi la question de l'enseignement de mauvais modèles économiques qui ont conduit à la crise et dont on n'est pas sorti. C'est ça leur thème. L'idée que les modèles économiques erronés, fallacieux, ont conduit à la crise et que ceux qui ont proposé d'en sortir, de nouvelles issues, de nouveaux travaux, de nouvelles perspectives, ne sont pas encore écoutés. Ils l'ont peut-être été un moment, mais en tout cas, la parenthèse s'est vite refermée. Donc, contestation permanente des modèles erronés. C'est quoi les modèles erronés? C'est bien sûr les marchés efficients. C'est une théorie centrée sur plus largement l'efficacité des mécanismes de marché. Et l'occultation, je vais y revenir, des dynamiques inégalitaires liées à la financiarisation. C'est un point très très important, qui font qu'on est reparti comme avant, d'ailleurs dans un cycle qui va sans doute conduire aux mêmes conclusions. Ils insistent beaucoup, donc ça c'était un premier thème, ils insistent beaucoup sur l'appropriation citoyenne des contenus, sur le fait qu'il faut sortir des débats d'experts, que l'économie doit sortir de sa tour d'ivoire et que, alors Piketty le dit ouvertement, il dit l'économie c'est pas fait pour les experts seulement, les citoyens doivent s'approprier les mécanismes, mais Soros le disent tous. C'est un thème qui est quand même très proche de l'idée de populariser, de diffuser des outils pour s'approprier la connaissance des mécanismes économiques pour un futur citoyen, puisque au lycée c'est ce qu'on forme avant tout, me semble-t-il, avant de former des étudiants en microéconomie, enfin. D'abord des citoyens. C'est macroéconomie versus vision myope. Et on retrouve le débat macro-micro. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu autour de considérer que la macroéconomie, ça existe, que c'est une discipline qui produit des résultats qui peuvent être discutés. Il y a des controverses en macroéconomie, mais qui aboutit à des diagnostics sur les crises, etc. Et qui a un très lourd, très important corpus. Et qu'il y a une macroéconomie erronée qui s'est imposée à partir des années 70, qui est en gros... Lucas, etc., ça va donner les cycles réels, etc., une macroéconomie sans crise, qui a occulté les crises, là, qui s'est construite autour même de l'impossibilité des crises, hein, voilà, et que au fond, elle a montré qu'elle était fausse, et que donc une macroéconomie qui elle est beaucoup plus robuste doit être. Donc là, c'est le symétrique de ce que je citais tout à l'heure dans Villeroy de Gallo et de ce qu'on a vu avec Pebro. Enfin, cette obsession de la microéconomie chez les acteurs patronaux, elle est contredite par le renouveau de la macroéconomie dans le contexte post-crise et des politiques d'austérité. Il y a un vrai débat macroéconomique, il y a de vrais travaux, il y a de vraies analyses assez intéressantes, et il me semble que voilà, c'est un élément important. La question de la pluridisciplinarité, bon, je l'ai évoquée à propos de Piketty, je ne vais pas y revenir, mais elle est évoquée, elle n'est pas tellement pratiquée. Hein. Ils n'invitent jamais de sociologues, les historiens ne les voient pas. Enfin, donc on est un peu dans le verbe, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un thème qui émerge dans cette fraction du monde académique international. Pas que académique, c'est Angel Correa, c'est l'OCDE, c'est des institutions, hein, c'est au sommet. La critique du PIB, qui quand même nourrit, me semble-t-il, des formes de discussion, peut nourrir des formes de... Alors, je ne sais pas comment c'est pratiqué concrètement par les enseignements de SES. Moi, dans mes cours à la fac, dans différentes filières, je sais que ça nourrit des rapprochements pluri- et interdisciplinaires sur l'objet, le bonheur, le bien-être, le développement humain, etc. Là, on est devant un thème qui est considéré depuis le rapport Stiglitz de 2009 comme... acquis, enfin voilà, le PIB n'est pas un bon indicateur de performance, il faut discuter, et des indicateurs de répartition sont plus importants, le débat médiane moyenne, enfin il y a toute une série de débats très très intéressants qui parlent, me semble-t-il, y compris aux sociologues, qui ont beaucoup à dire sur la question des inégalités aussi, c'est l'autre point, qui est constitué comme un thème central aujourd'hui, qui est mis sur l'agenda. Alors, ils n'y arrivent pas. Ils tentent de la mettre sur l'agenda. Évidemment, ce n'est pas à l'agenda des politiques publiques. Ça se saurait. Hein. Mais le forum de Davos a mis les inégalités au premier plan. L'INET nous explique les inégalités. Non seulement c'est en soi très injuste qu'elles se développent comme elles le font aujourd'hui, l'explosion des inégalités de revenus, de patrimoine, des inégalités sociales, etc. Mais en plus, c'est ce que dit Gouria dans son intervention, ce sont ces inégalités qui, aujourd'hui, empêche toute possibilité de reprise sérieuse, de dynamique économique. Donc il y a un argument macro qui se solidifie, qui est assez intéressant, qui était un argument de Stiglitz à la base, mais il y a des travaux maintenant de l'OCDE qui reprennent cet argument, qui font que la thématique des inégalités, qui était aussi une marque de fabrique des SES, me semble-t-il, dans la période post-68, le fait de travailler sur cette question des inégalités, dans les premiers contacts que les élèves, moi j'ai une fille qui est en seconde, elle a ses premiers contacts avec, bon là on a eu d'autres à la maison, mais avec les SES, voilà, des tableaux avec des inégalités, enfin je vais montrer l'inégalité, le site de l'Observatoire des inégalités, elle a trouvé ça fantastique, enfin voilà, c'est quand même, je pense que, comme ça qu'on accroche les élèves, quoi, c'est en leur montrant qu'on parle du réel. Et de fait, cette thématique, elle est aujourd'hui constituée comme une thématique centrale dans l'espace public mondial. Pas français, hein. Ça, c'est vraiment intéressant ce décalage. C'était il y a 15 jours hein, le colloque de l'INET. Voilà, c'était un dernier point qui me semble assez crucial, c'est-à-dire il faut qu'on arrive aussi à faire d'un combat qui pouvait paraître purement défensif, on attend la nouvelle offensive des lobbies patronaux et des méchants économistes normalisateurs qui vont évincer définitivement la sociologie et toute forme d'économie critique. Mais je pense qu'au contraire, il faut se saisir des opportunités, des fenêtres d'opportunités, voilà, des possibilités données par la crise, parce qu'on est encore en crise, crise idéologique, crise de la science économique, pour avancer dans la nécessité de, non seulement de défendre les SES telles qu'elles sont, je pense qu'il faut revenir au projet initial, au projet originel, et le pousser plus loin. Enfin voilà, il faut peut-être qu'il faut aller plus loin en seconde, qu'il faut rendre plus obligatoire l'enseignement, qu'il faut aller vers le collège. Je n'irai pas jusqu'à l'école primaire pour ma part, pas forcément, mais et en tout cas aussi travailler peut-être différemment, de manière nouvelle, au lien avec les acteurs à l'université, que ce soit les sociologues, les économistes ou les politistes, en intériorisant pas trop. Une domination qui est finalement à certains égards peut devenir fragile dans un contexte très mouvant, quoi. On voit bien que les choses ne sont pas aussi figées. Voilà. Merci.